Je n'ai pas de maison fixe, pas d'adresse permanente. Ma vie est un mix de routes et de pentes. Mon sac à dos sur l'épaule, tout ce que je possède. Cette liberté qui me rend malade quand je dois céder. Nomade en l'âme, voyageuse sans drame. Nomade, c'est qui je suis. Nomade, ma vraie vie. Pas de racines qui m'attachent, juste le vent qui me détache. Nomade jusqu'au bout. Les gens s'installent, se posent, achètent des meubles, un lit. Moi je préfère autre chose, cette légèreté infinie. Chaque pays une maison, chaque ville un chez moi. Temporaire mais la raison de vivre est dans ses choix. Errance ou quête, peut-être les. Toujours aller loin.